Johnny marche sous la pluie, de Barbès à Pigalle en passant par Vichy. S'amuse comme les fous à tirer quelques coups, à deux sur un parc-mètre on traite l'ennemi. On n'a pas besoin de maître quand on est un jeune seigneur. Pas besoin de religion, plutôt païen que chrétien. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai passé par ta rue, j'ai un cadeau pour toi. Un tout petit parc-mètre arraché à la rue. On a